Histoire vivante, c'est tout de suite et jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Eh bien, les titres de l'actualité se rapportent évidemment à un seul événement, le drame de Munich. Oui, Munich, le stade olympique. Il était 10h ce matin. Histoire vivante. Berger David, Gottfried Joseph, Weinberger Moshe. C'était de véritables camarades. Ils sont morts dans la fleur de leur vie. Cette semaine, tragédie à Munich, les Jeux endeuillés. On lance des appels à la population et surtout aux automobilistes. On leur dit ne prenez pas d'autostoppeurs, c'est dangereux. Il y a des hommes armés qui sont prêts à tout. Une semaine olympique sans précédent. Chapitre 1. Résumé de l'épisode précédent. L'action menée par le commando Septembre Noir sur le pavillon israélien s'est donc terminée tragiquement par une hécatombe. Tout a commencé au petit matin du 5 septembre, peu après 5 heures du matin. Une poignée de fédaïnes s'infiltre dans le village olympique, pénètre dans le bungalow israélien en ouvrant le feu. Bilan de ce début de journée, 2 morts parmi les Israéliens. Tout au long de la journée, l'opinion internationale, avertie par Israël, va suivre les événements. Les nouvelles les plus contradictoires vont s'alterner. Très vite, le chancelier Helmut Schmidt va en personne prendre en main la situation et tenter de la débloquer sur un plan diplomatique. Possible médiateur, Anwar el-Sadat reste inatteignable. Devant le refus catégorique de Tel Aviv de répondre aux marchandages tentés par les fédaïnes en échange des otages israéliens, ils exigent la libération de 200 prisonniers politiques. La police allemande reçoit l'ordre d'exécuter les fédaïnes au moment de leur embarquement à bord d'un Boeing de la Lufthansa. Les otages, condamnés par avance dans cette opération, sont tous morts. Au total, on déplore la disparition de 18 personnes, le commando, les otages, le pilote de l'hélicoptère et un policier allemand. Après cette nuit infernale, au matin de ce 6 septembre 1972, le comité exécutif du CIO se réunit et décide de poursuivre le déroulement des Jeux. En attendant, une cérémonie funéraire en hommage aux victimes israéliennes est célébrée à Munich. Au Miroir du Monde, édition de midi de ce 6 septembre, présentée par Alphonse Laya, nous retrouvons Claude Froidevaux. Oui, Munich, le stade olympique, il était 10h ce matin. Ce matin, plus de 80 000 personnes, les portes du stade étaient closes. Quelques 10 000 athlètes ont rendu hommage aux victimes de l'attentat de la nuit dernière. Le premier à s'exprimer fut M. Willy Dahomey, président du comité d'organisation. Voici la traduction de quelques extraits de son discours. Ce jour est un jour d'un deuil indicible. Tout ce qui semblait se réaliser dans la beauté, un festival qui, jusqu'hier encore, manifestait si visiblement la nostalgie pour les hommes de la compréhension, de la joie, de la paix. Tout cela a été remis en question par une culpabilité sans égale. Même dans le monde du crime, il y a encore des tabous. Il existe des dernières barrières que l'humanité ne saurait franchir. Les coupables des événements qui se sont produits dans le village olympique ont franchi ces barrières. Puis, il y eut un moment extrêmement émouvant lorsque le chef de la délégation israélienne, M. Samuel Lalkin, énuméra les noms des victimes. Berger David, Gottfried Joseph, Weinberger Moshe, Alfin Eliezer, Friedman Zed, Slavin Marc, Romano Yosef, Shapira Mitsu, Spitzer André, Shor Kahat, Springer Jakob. C'était de véritables camarades dans le sport. C'était des camarades braves. Ils sont morts dans la fleur de leur vie. Je tiens à vous assurer que malgré ce crime abominable, les sportifs d'Israël vont continuer à participer aux compétitions olympiques dans l'esprit de la fraternité et de la paix. Fortement émue, la délégation d'Israël quitte ce lieu. Nous adressons à vous tous nos remerciements pour la solidarité dont on a fait preuve à notre égard. La délégation israélienne quitte donc Munich, mais elle sera présente au prochain jeu. C'est ensuite le président de la République fédérale, M. Gustav Heinemann, qui prit la parole. Et les propos qu'il tint furent extrêmement durs. Qui étaient les coupables de ce crime? C'est d'abord une organisation terroriste qui croit que la haine et l'assassinat peuvent être des moyens de la lutte politique. Mais sont également responsables des pays qui n'empêchent pas ces gens de commettre leurs actes. Au nom de la République fédérale d'Allemagne, je lance un appel à tous les peuples de ce monde. Aidez-nous à surmonter la haine. Aidez-nous à préparer la voie à la conciliation. Enfin, dans son allocution, le président sortant du Comité international olympique, M. Avri Brundage, donna connaissance du sort de ces Jeux de Munich. Il faut que les Jeux continuent. Il faut également que nous continuions à réaliser nos efforts en vue de les conserver purs, propres et honnêtes. Et d'étendre l'esprit sportif des athlètes sur d'autres domaines encore. Nous déclarons ce jour comme jour de deuil. Les compétitions vont continuer avec un décalage d'un jour. Une décision contestée, mais que le comité justifie en expliquant qu'en aucun cas le terrorisme ne saurait avoir de prise sur une telle organisation sportive et internationale. Le débat n'est aujourd'hui toujours pas tranché. La délégation israélienne a décidé de quitter les Jeux. Côté égyptien, les nouvelles concernant cette décision restent encore contradictoires. Mais c'est à Beyrouth que les réactions sont les plus contrastées, comme en témoigne l'envoyé spécial de la radio romande, Jean-Pierre Le Gac. Embarras dans les capitales arabes après la tragédie de cette nuit. Ainsi, à côté de la réaction officielle du roi Hussein de Jordanie, qui hier avait qualifié, je cite, l'attentat de crime horrible, peu d'autres réactions officielles ont-elles été enregistrées jusqu'ici. Côté palestinien, les milieux de l'Organisation de Libération de la Palestine, que préside M. Yasser Arafat, qui est également le chef du FAT, ont souligné sans plus, je cite, qu'ils n'ont aucun lien avec le mouvement Septembre Noir. Après cela, rejoignant la décision du comité exécutif du CIO et de son président, M. Brundage, la radio romande fit de cette journée du 6 septembre 1972 une journée de deuil. Les programmes radiophoniques de toute la journée furent suspendus. Seul un programme musical, uniquement interrompu pour retrouver la voix d'Eric Walter en direct de Munich, accompagna les auditeurs que vous étiez peut-être à cette époque. Tour à tour, l'ambassadeur d'Israël, le président du comité olympique et le président de l'ex-Allemagne de l'Ouest, la République fédérale d'Allemagne, prirent la parole dans le stade olympique. Rendez-vous pour la suite dans quelques instants. « Ce disque a été enregistré en Allemagne, à Berlin, vers la fin des années 80. Des artistes palestiniens regroupés pour chanter la lassitude, l'exaspération, le besoin de changement. Al-Hegran, la rupture. Le chanteur qui l'interprète s'appelle Mohyeddin El-Bardadi. يلي هجرت الوطن ابكوا على الأيام يلي هجرت الوطن ابكوا على الأيام لا خاتم الألماظ بينفع يلي على الحرير بتنام عشت الخيال في الغربة في مواكب الأحلام C'est la conscience du monde qui s'est manifestée clairement, nettement. Ses réactions étaient également claires. Nous tenons à exprimer ici toute notre condoléance, tout notre deuil, toute notre compassion que nous adressons aux parents proches des assassinés, aux parents proches de ceux qui, en remplissant leurs devoirs, ont également sacrifié leur vie. C'était donc la traduction française du discours de l'ambassadeur d'Israël à Bonn, M. Ben Mourin, suivi bien sûr par la traduction en langue anglaise maintenant, si bien que nous rendons l'antenne au studio. Chapitre 2. Petite revue de presse et l'actualité du grand écran. La presse de l'époque se fit évidemment l'écho de l'ensemble de ces événements. Tous les journaux mirent à la une cette photo devenue légendaire de ce terroriste, la tête coiffée d'une cagoule, surgissant brusquement sur le balcon du pavillon israélien, accompagné parfois d'une légende du style « Ce masque, cette ombre satanique, surgit soudain au milieu de la célébration olympique, comme le danseur déguisé de la mort durant les bals du Moyen-Âge, c'est malheureusement le symbole de notre époque. La grande et sinistre fête de la violence, que le film Orange Mécanique a chanté pour nous avertir, est parmi nous, devenu cauchemar, bien réel. Combien par cellule ? 4 dans ce bâtiment, monsieur. Entasser des criminels, ça donne un concentré de criminalité au cœur du châtiment. J'en conviens, mais il nous faut plus d'espace, plus d'argent. Aucune chance. Le gouvernement ne peut plus s'intéresser à des systèmes pénitentiaires périmés. Bientôt, il faudra de la place pour les factieux. Appliquons au droit commun un traitement curatif. Tuons le réflexe criminel. Voilà tout. Cela sera mis en œuvre dans un an. Le châtiment ne compte pas pour eux. Vous avez raison, monsieur. Taisez-vous. Qui a dit ça ? Moi, monsieur. What crime did you commit? Quel est votre délit? The accidental killing of a person, sir. Homicide involontaire, monsieur. He brutally murdered a woman, sir, in furtherance of theft. Il a brutalement assassiné une femme. 14 ans, monsieur. Excellent. Excellent. He's enterprising. Il est entreprenant, agressif, expansif, jeune, vicious. Vicieux. He'll do. Il fera l'affaire. Très bien. We could still look at C block. Mais voyons tout de même le bâtiment C. Non, non, ça suffit, il est parfait. Comme on voit ce dossier, nous allons rendre ce voyou méconnaissable. Merci de me donner cette chance, monsieur. Tâchez d'en tirer le meilleur parti. Allons à mon cabinet. Nul doute qu'en ce jour du 6 septembre 1972, un saut de plus fut franchi dans cette région opaque, ce no man's land à la limite frontière du réel et de l'imaginaire. Comme un avant-goût déjà âcre, déjà amer, de ce monde virtuel dont nous parlons aujourd'hui tant et tant. Réel et imaginaire, deux mondes qui se repaissent l'un de l'autre, à jamais différents, à jamais unis. Le côté imaginaire, nous l'avons entendu avec cet extrait du film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, tiré du roman d'Anthony Burgess paru 10 années plus tôt, en 1962, et dont voici un extrait. D'accord, j'ai pensé, je fais le pire. Et si je me fais l'ovreté, bien tant pis pour moi, oh mes petits frères. Et c'est bien vrai qu'on ne pourrait pas gouverner un pays si tous avaient mon genre de comportement nocturne. Bref, si je me fais l'ovreté et que ça veuille dire 3 mois dans un mestot et 6 mois dans un autre, et puis que la fois suivante, ça signifie, en dépit de mes très tendres printemps, frère, le grand zoo inhumain, ma foi, je dis... C'est justice, mais l'ennui, mes seigneurs, c'est que je ne peux tout bonnement pas supporter d'être enfermé. Et je mettrai toute mon énergie dans le genre d'avenir qui me tend ses bras de neige et de lys avant que la raison du notz, du couteau, soit la plus forte, ou que le sang éclabousse de son grand cœur final le métal tordu et le verre pilé sur une de vos autoroutes. Oui, je mettrai toute mon énergie à ne pas me faire l'ovreté une fois de plus. Voilà qui est parlé, et bien... Seulement, frères, quand je vois leur façon de se ronger les ongles de pied pour chercher la cause du mal, moi je dis qu'il y a de quoi me transformer en bon petit malchic, en bon petit jeune gars rigolard. Est-ce qu'ils vont chercher la cause du bien? Alors pourquoi l'autre bord? Et toute l'histoire de notre temps, mes frères, n'est-elle pas le récit des vaillantes luttes de Malinkis petit soi contre ces énormes machines? Ce que je vous en dis, frère, c'est très sérieux. Mais moi, ce que je le fais parce que ça me plaît. Le titre « Orange mécanique » provient tout droit du Cockney, une expression chère à Burgess. « Étrange comme une orange mécanique ». Ce qui signifie quelque chose qui de l'extérieur paraît normal, mais qui est artificiel à l'intérieur. Le titre fait aussi référence au mot malais « orang », qui signifie « être humain ». Cette chanson a bien failli rester dans un tiroir. Elle est devenue un immense succès. « What's going on » marque la nouvelle orientation de Marvin Gaye vers un style beaucoup plus personnel. Il s'affranchit peu à peu de Motown. « Mother, mother, there's too many of you crying. » Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the end. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Yeah. Chapitre 3. Dépêchez-vous, on ferme. On aimerait bien passer à autre chose. Allô, Rick Walter ? Alors, on annonce maintenant le discours du président du Comité olympique international, M. Avery Brandon. Every civilized person recoils in horror. Tout homme civilisé est paralysé par la terreur que nous inspire le crime barbare. Nous commis des terroristes dans le paisible village olympique. Nous déplorons la mort de nos amis israéliens, victimes de cet attentat brutal. Il est triste de constater que dans ce monde imparfait où les Jeux olympiques prennent de plus en plus une importance toujours plus grande, les Jeux se voient soumis à des pressions commerciales politiques et maintenant aux crimes. Nous n'avons pour nous que la force d'un grand idéal. Je suis sûr que le public du monde entier sera d'accord avec nous pour estimer que nous ne pouvons pas permettre à une poignée de terroristes de détruire ce noyau de la coopération. Monsieur Brandon, je dis qu'il n'est pas possible qu'une poignée de terroristes. Nous n'avons pas le droit de laisser une poignée de terroristes détruire cet idéal olympique. Il faut également que nous continuions à réaliser nos efforts en vue de les conserver purs, propres et honnêtes et d'étendre l'esprit sportif des athlètes sur d'autres domaines encore. The games must go on. And we must... Les jeux doivent continuer. Et aucune manifestation de réprobation. We declare today a day of mourning and will continue all the events one day later than originally scheduled. Nous déclarons que les Jeux continuent et qu'ils auront lieu avec un décalage de 24 heures sur le programme primitivement prévu. Le jour de la clôture des Jeux, il y aura le traditionnel défilé des athlètes, une ambiance décalée, bizarre, d'une fête qui n'ose pas dire son nom. On honorera encore les athlètes décédés, le policier, ainsi que le pilote d'hélicoptère. Mais comme si le sort s'acharnait irrésistiblement sur Munich, il laissera une dernière trace, subliminale, à peine audible. Un bug à l'ironie sinistre. Et maintenant, la flamme s'éteint progressivement. Et voilà, la flamme des Jeux Olympiques de Munich s'est éteinte. En mémoire des victimes. In memory of the victims. Dans son éditorial paru le 16 septembre 1972 dans Paris Match, Raymond Cartier termine ainsi. Le coup de Munich raviva des braises encore ardentes. L'indignation qu'il suscite est loin d'être universelle. Parmi les gouvernements arabes, un seul, celui du roi Hussein, a flétri sans équivoque les massacreurs. Les autres se taisent ou biaisent. Sadat laisse la voix de la révolution palestinienne et mettant du Caire glorifier les héros tombés dans leur mission de justicier et menacer l'Allemagne d'une guerre sans merci pour le piège qu'elle leur a tendu. De nombreuses manifestations populaires ont acclamé l'audace des Palestiniens et la mort des Israéliens. Le raid sur le village a été un acte de guerre dans une guerre toujours ouverte. Le scandale d'avoir rompu la paix olympique n'est perceptible que dans le cadre d'une certaine pensée. Il eût atterré et terrorisé les Grecs. Les Perses n'y eussent vu qu'une occasion brillamment exploitée. C'est une question de Dieu. De Dieu au pluriel. La vengeance dont la menace plane n'est-elle pas divine, mais humaine? Washington supplie le gouvernement israélien de s'abstenir de représailles. Et il aura de la peine à le convaincre. Dernière née de 9 enfants d'une famille traditionnelle yéménite du quartier Hatikva de Tel Aviv, Ofra Chaza chante Sadnat Sheshvat Hatikva. Proposé par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.